On est entre nous. On est entre nous. Oui. On peut dire ça de même. Ça, c'est toujours la phrase partout. Ça, quand on ne sait plus quoi dire, on est entre nous. Ça, tu peux dire ou ça, ou tu peux dire c'est la plus belle journée de ma vie. Ah oui, ça m'est arrivé souvent de dire ça. Oui, moi aussi. J'ai menti aussi. Ça met le monde à l'aise, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Le jour s'étire langoureusement sur Montréal. Dans le salon d'un quartier dont on taira le nom, Anne et Marc prennent l'apéro. Au mur, la vieille horloge indique 16 heures. Sur une table basse rapportée d'un lointain voyage à Marrakech, deux verres de vin blanc fruité, un bol de chips et deux paires de lunettes. Hey, santé, hey, mon santé. Petit Marco! Je suis tellement content de te voir. Mais moi aussi! T'es tellement cute avec ton pastel pis tout. Mais c'est le fun, cette affaire-là, hein? On sait pas ce qu'on fait. Non, on sait pas où on s'en va, on sait pas. Pas du tout. C'est mais juste écoute, parfait. On est entre nous. On est entre nous. On est-tu en train de... Sais-tu comment... Oui, c'est ça. Parce que c'est comme... c'est ta gorgée de vin est sortie par le nez. C'est la non. Plus... C'est... Non, mais je pensais qu'on allait peser sur le piton. Non, il n'y a pas de piton. C'est ça qui est merveilleux. Il y a un piton collé ici. Écoute, je vais te le dire comme je le pense. C'est vraiment comme... C'est la plus belle journée de ma vie. Oh. La semaine a été tellement longue pour moi. Ah oui, ah, moi aussi, oui. Ça a été long. Ah oui. Moi aussi, tout le temps long quand je te vois pas. Ah oui, moi aussi, ouais. J'ai bien de la misère avec ça. Avec ça. Puis tu changes pas. Puis t'es comme... Parce que j'ai beaucoup d'anecdotes. T'en as-tu? T'as-tu des potins? Ben, c'est pas des potins. C'est ma vie. Tu sais, la semaine passée, je t'avais parlé de mon frigo. Ça a duré deux oui, heures. On était en pleine réunion de production. Ouais, il est venu, hein, le monsieur de... C'est ben, celui que je... Non, c'est pas le petit monsieur avec les petits outils. C'est un petit monsieur avec les petits moteurs. Tu m'avais dit que tu me donnerais son nom. Oui, mais comme tu m'as... Tu me l'as-tu donné? Non, je te l'ai pas donné. Écoute, mais finalement, parce que... oui? J'ai appelé l'endroit où j'avais acheté le frigo. Mm-hmm. Et ce monsieur-là connaissait un réparateur de frigo, de la marque de frigo que j'ai. Parce que moi, quand je l'ai acheté, ça venait de commencer ces maudits frigos niaiseux-là. C'est des frigos allemands? Oui. Mais c'est de la marde. C'est de la... Oui. Oui, ouais, c'est puis ça. Moi, ça m'a coûté très cher pour avoir de la marde. Ouais. Mais c'est juste que c'est un format particulier parce qu'il n'y a rien qui rentre chez nous parce que c'est grand comme ma gueule. OK. Alors, mon frigo, je l'ai. Oui. Et mon congélateur ne fonctionnait plus. Ah, chauffait, ouais. Oui. Alors, ça a bipé comme ça pendant trois jours. Ben, voyons alors, donc. Deux nuits entières à pas dormir. Ben, voyons donc. À me réveiller aux heures puis pour peser sur le piton de l'alarme pour que ça arrête. Mais tu ne fais pas débrancher ton frigo parce que tu voulais pas perdre ta maison. Parce qu'il est en arrière. Le branchement, comment tu veux que j'arrache le fil? Il est derrière le frigo. Un frigo, ça pèse combien? Ah, non, il est encastré. Il n'y a pas de roulette. D'ailleurs, le réparateur, quand il est venu le réparer, il a dit il n'y a pas de roulette. Il l'a tiré, mais oui. Il a scrappé mon plancher. Bon. Ben oui, il y a une grosse trace de break sur mon plancher. C'est de vie de marre. Mais non, mais pauvre petit. Ben puis oui, il était tellement attentionné. Il a même fait le ménage derrière le frigo parce que il tu sais qu'après des années, ouais. Ça fait quand même des années que je l'ai ce frigo-là. Ouais. Je ne l'ai pas sorti souvent de son petit cadre. Socle, ouais, c'est ça. Et puis là, il y avait plein de poussière. Je ne peux pas te dire la marde qu'il y avait là. C'est normal. Tout le monde a de la poussière mais en dessous. Mais c'est mon frigo. Réparateur qui a tout nettoyé. Ah, il est formidable. Ça m'a coûté 500$. Pour nettoyer. Il est resté une heure. Ah, ouais. 500$. Ben, c'est parce que ça... Ben oui, mais c'est. Là, j'étais gênée. Je trouvais que c'était cher, mais je ne peux pas lui dire parce que je vais passer pour une ouais. Puis en même temps, j'étais libérée. L'alarme arrêtait en fin de sonner, mais je comprenais pas ce prix. Mais tu dors. Je veux dire, il est réparé, puis tout oui, ça. Oui. Là. Puis je me sens pas cheap parce que je lui ai pas, pas dit tout ça. Tu as-tu donné un pourboire? Tu l'as-tu comme fou, là, 500 piastres, oh, ouais, tu donné un pourboire. Ça comprend le pourboire. Ça va, aussi. Là. Oh, ouais. Je sais pas. 40%. Puis aujourd'hui, ouais. J'ai fait venir des crèmes. Ma fille fait de l'eczéma. Oh, pauvre et petit on a utilisé toutes les crèmes sur le marché. Ah oui. Et là, moi, dernièrement, j'étais allée voir un dermatologue, tout ça, puis il m'avait donné un petit échantillon de crème. Puis j'ai dit, oh, ça irait donc bien à ma fille, parce qu'elle ouais. Était particulièrement. Sensible à la peau. Grasse. Et puis ma fille, c'est comme. C'est sec, sec, sec. Ah oui, sec, sec, sec, sec, sec, sec. Elle se réveille la nuit pour se gratter. C'est épouvantable, il n'y a plus rien à faire. Alors, j'essaye de trouver cette crème en pharmacie. Ils ne l'ont pas nulle part. Alors, j'appelle le distributeur. Tu sais comment est-ce que c'est? Alors, j'ai commandé deux caisses. Deux caisses? Mais c'est parce qu'ils vendent en gros. De crème? Ils m'ont dit, on pourrait venir vous les livrer. Quand est-ce que vous êtes libre? Et j'ai dit, ben, je suis libre aujourd'hui, cet avant-midi, en parlant d'aujourd'hui. Oui. Entre 8h le matin et 13h, ou demain, entre 13h30 et 18h. Ils ont dit, parfait. On va venir entre 8h et 13h aujourd'hui. Aujourd'hui. Là. Moi, j'ai des choses à faire dans la vie. Ben j'ai oui. Pas juste ça. Non. Attendre après un livreur de crème. Ben, à une heure, il était toujours pas arrivé. Ben, c'est ça qui arrive avec ces maudites affaires-là. Là, j'ai envoyé un courriel au monsieur. Monsieur qui était des mon crèmes. Contact. Ouais. Oui. Puis j'ai dit, ben là, il est 13h, il est toujours pas arrivé. Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, c'est un courriel, il entend pas ce ton-là. Non. Il sait pas. Il sait pas que je t'aboute. Non, je fais, je fais. Et là, j'ai dit, je me suis retenue. C'est vraiment embêtant, ce retard. J'ai fini en disant ça. C'est vraiment embêtant, alors que tu comprends comme moi que c'est pas du... Ça fait pas partie de mon vocabulaire. C'est vraiment embêtant. Non. C'est pas ça, ma vie, moi. Non. Je suis en crise. Oui, oui, ben oui, je comprends. J'ose pas le dire, parce que Ben non, ben on se le dit. Tant tabarnak. Oh, ouais, c'est sûr. Il est toujours pas arrivé. J'ai toujours pas. Je suis allé voir mes courriels tantôt. Mais là, il y a peut-être deux grosses boîtes de crème de crème. Ben, j'espère qu'il ne laissera pas dehors. Parce que la température est dedans. Est-ce que ce ne sont pas des crèmes qui vont au frigo, ça? Ah, ça va pas au frigo, ces crèmes. Ben voyons, c'est des crèmes, hein. Ben je sais pas, moi, je mets toutes mes crèmes au frigo. Ma mère a travaillé chez Châtelaine. Elle a travaillé, elle était responsable des pages de vie pratique. Des pages de vie pratique. Ah oui, ça, ça veut dire les recettes, ça veut dire tout ça. C'est les conseils maquillage, les affaires de filles. Puis elle recevait donc beaucoup d'échantillons de rouge de rouge à lèvres. Ouais, comme on dit là, des rouges gorges puis des blushes puis des mascaras. Des rimmels. Là c'était toujours des assez super sophistiqués là, Chanel, Dior puis tout ça. Oh. Mais là elle en recevait tellement que là elle savait plus où les mettre. Fait que là elle les mettait dans le congélateur, dans mon congélateur de petit frigo qu'on avait dans un appartement parce qu'on habitait en face du cimetière Côte des Neiges. Ah, fait qu'on avait un tout petit appartement, un petit studio. Ma mère couchait dans le salon. Toujours? Non, pas au Rock Hill. Le Forest Hill. Oui, le Rock Hill, oui, j'en ai tout aussi. Elle habitait au Rock Hill. Oui, elle était là dans le temps. Oui, elle prenait oui, j'étais bien impressionnée. Oui, elle prenait le petit ascenseur. Puis, fait que là, on avait donc une petite pièce. Ma mère couchait dans le salon sur un lido. Ma mère a été la première à avoir un lido. Ma mère a été la première à avoir un lido. Un grand lido, c'était comme... Je la trouvais hot en tabarnouche. Tu l'as déjà essayé, ben oui, je l'ai essayé. Avais-tu mal de mer? Non, pas du tout. Ah non, moi, j'adore ça. J'ai déjà eu une aventure dans un lido, d'ailleurs. Ah, ouais. C'est un peu embêtant quand t'es jeune. Non, c'est pas ça. C'est parce que quand t'es jeune puis que t'as pas tout à fait encore exercé ton contrôle, le lit t'arrête pas, hein? Fait que t'aimerais ça te retirer... Hey, c'est tellement pas ma vie, Marc. Ben non, ben arrête, mais là, je veux dire, on a toute une vie, tu sais, je veux dire, c'est des moments de poésie, ça. Fait que là, t'essayes de te retirer, mais le lit, le mouvement, l'onde, la vague, le tsunami qui est engagé, il arrête pas, qui est dans le matelas. Puis dans ton excroissance, ben, oui, c'est ça. Droit comme un colonel. Ben oui, c'est ça, comme un petit soldat qui est à campagne. Au garde à vous, fait que là, t'es comme, t'es content, moi, je faisais changement de garde. Puis là, j'étais comme engagé dans le mouvement. Puis la vague, elle arrêtait pas de... Fait que finalement, ben j'ai... C'était un geyser. Puis cette fille-là avait les yeux croches. Ça a été l'affaire la plus drôle que j'ai vécue de ma vie. Une aventure sur un lido avec une fille qui a un coq l'œil. Moi... Fait que je savais pas quand t'étais heureuse ou quand t'étais dépitée. Fait que je savais pas. J'imaginais qu'elle était heureuse. Mais je pouvais pas vraiment croiser son regard pour lui demander, tu sais... Moi, j'aime ça, les gens. Moi, là... Moi aussi, ça me touche. Je peux pas... Non, ça me touche pas, moi. Non? Ça t'écarte? Ça me... Ça te turn on. Ah oui? Ben, pas, là. Je regarde pas le Japon puis l'Amérique du Sud en même temps, là, c'est pas ça. Ben... Mais moi, j'aime ça quand ça louche un petit peu. Ah oui, non, c'est charmant. Je trouve ça beau, sexe. Oui, il y a quelque chose de très mon sexe. Mon Dieu, que j'aime ça. J'étais un petit peu inquiet parce qu'on disait... Ou des petits pieds par en dedans, pardon. Ah, les petits pieds beaux, ça, c'est cute aussi. Non, pas les pieds beaux, là. C'est un pied beau. Non, mais je veux dire, tu comprends... Pas bécassine. Non, mais c'est... Il a des petits pieds. Comme... Tu sais, tes petits pieds croches par en dedans, de des petits genoux rentrés. Oui. Je sais, t'as le goût de masser. Puis de... Ben, fait que là, continue donc. Ben non, mais ça allait super, sauf que bon, il y a eu cette affaire-là de mouvement de vague qui s'est jamais arrêté. Puis là, ben, j'ai jamais su si où est-ce qu'elle me regardait, si elle était contente ou pas. Fait que là, j'ai dit, bon, on va dormir. Elle faisait pas des sons? Hein? Oui, elle faisait des sons, mais les sons ne fitaient pas avec son regard. Je sais pas comment dire. C'est comme, j'ai toujours pensé... En tout cas, moi, j'ai gardé le souvenir qu'elle était bien. Moi, j'étais heureux aussi. Parce que c'est le week-end et parce qu'on a tout notre temps, Marc et Anne fouillent dans leur collection de vinyles. Les puissantes paroles d'un des joyaux de la chanson française attirent leur attention. OK, fais un Johnny de toi-même. Ben, puis je vais essayer de faire une petite française. Ben oui, t'es magnifique. Une petite française qui une petite voix de rossignol chantant. Ben puis oui, qui se croit, ça. Puis qui est... C'est parfait. Qui est pas dérangeante. Mais ouais. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. OK. J'aime tellement ça. C'est un croisement de Johnny Hallyday et de Brad. Oui. un petit peu de brad, il y a du crusty, puis il y a une petite touche de toupie binou. Une petite touche de toupie binou. Un, deux, trois. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris. À cause de toi, je ne suis plus la même. Moi, par défaut, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où cela nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu y ressembles. Quand je m'éloigne de toi, tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. J'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. On y gagne. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu y ressembles. Quand je m'éloigne, toi, tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça y ressemble tant que c'est peut-être mieux. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval, sur ICI Radio-Canada Première. Il y a quelques années, Marc et Anne suivaient avec passion la série télévisée Six Feet Under. Anne a toujours été hantée par la mort. Aujourd'hui, les deux amis ont eu envie de partager un cocktail et une assiette de charcuterie avec Louis-Simon Lamontagne, embaumeur de la quatrième génération. Tout le monde à l'école, quand tu étais petit, savait probablement de ton milieu, d'où tu venais, qu'est-ce que les gens de ta famille faisaient, puis tout ça. Oui. Comment les enfants te comment t'étais perçu à l'école? J'étais comment très t'étais... populaire à l'Halloween. Ah, ouais. Ah, ben oui. Et c'était très difficile de faire un pyjama party chez nous parce qu'on habitait au-dessus du salon funéraire. Ben oui, comme beaucoup de familles, comme dans Six Feet Under. Exactement, ben oui, oui, oui, c'est oui. Pareil. Oui, c'est oui, pareil. Effectivement. C'est lui, Nate. Oh. Donc, t'étais bien, ouais. À la question, là, de justement, là, à l'école, faire un pyjama party, recevoir des amis à coucher, là, j'étais pas très populaire là-dessus, là. Puis j'en avais, par exemple, qu'ils disaient oui, puis qu'ils disaient 11h30 minuit, je fais un otite, je vais pas bien. Puis là, leurs parents pour qu'ils viennent les chercher. Oui. Oh, oui. Puis tes premières blondes, c'est-tu des gothiques? Ma première blonde, je l'ai eu un peu sur le temps, ma première blonde était étudiante à Tanato. OK, oui. J'étais au collège à ce moment-là. OK. Donc, c'est oh, ça, fait que... vous vous êtes trouvés. Puis, ma femme fait ça aussi. Puis, ben oui, on a fait notre c'est cours formidable. Ensemble. C'est pas la même, mais ma femme, c'était mon amie, une très bonne amie du collège, puis qu'avec les années, on est devenus... C'est comme une société, finalement, que vous formez un peu, non? Vous êtes un peu à part des On peut dire qu'il y a beaucoup que... de couples, effectivement, dans le domaine. Parce que c'est un mode de vie. Je veux dire, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a toujours le cellulaire proche parce qu'on est sur appel. Il n'y a pas d'heure pour mourir, donc il n'y a pas d'heure pour nous appeler. Nous, quand on voit du 9 à 5, du lundi au vendredi, on ne connaît pas ça. Là. Non, c'est ça. Il n'y a pas personne dans le domaine funéraire qui connaît ça. Là. Ben oui. Fait que les gens de notre entourage, nos amis, savent que des fois, on est dans une soirée, quelque chose. Puis si on est de garde, ben on n'a pas d'alcool parce qu'on doit quitter. Mm-hmm. Mais en réalité, tu sais, il y a plein d'autres métiers qui sont de garde comme ça. Absolument. Là. Ça peut être un médecin urgentologue qui est de garde à l'hôpital, mais il n'est pas à l'hôpital. Mais s'il sort, il boira pas. Puis clown de rue. Ah aussi, ben oui. Clown de rue, tu peux pas en 2-7, tu peux pas boire. Moi, quand je vais à Québec, là, 3 jours, puis que je sur les remparts, là, je vais. Je peux pas boire. Parce que je fais 3-7. Je fais la naissance du Christ. Les Mormons. Puis après ça, je termine avec une espèce d'histoire de la... Pourquoi les planètes se sont déplacées. En plus des appels de nuit. Je fais des appels de nuit. Des fois, je fais des parties d'enfants, là, puis je fais des... Puis tu peux pas boire, là, quand t'es sur appel. Même réalité. Même réalité. T'es trop fin. Il faut pas dire thanatologue, hein? Oui. Mais voyons, oui, c'est j'ai lu sur un papier que c'était mieux Tana... Thanatopracteur. Oui, exactement. En fait, Thanatopracteur. Excuse-moi, Tana... Thanatopracteur. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, le thanatologue va être un directeur de funérailles, habituellement même le propriétaire, par exemple, d'une entreprise funéraire. Tandis qu'un thanatopracteur, c'est exactement un embaumeur. Okay. C'est vraiment, un thanatopracteur fait la thanatopraxie dans un laboratoire. Donc, vous sucez le sang. Vous... Non, mais je veux dire, sucez. Non, mais pas dans le sens vampiresque, mais je veux dire, vous faites ça. Oui, la thanatopraxie, oui. Effectivement, c'est de remplacer... le principe de base, c'est de remplacer le sang dans le système vasculaire par des produits dérivés de formaldéhyde, dérivés d'un formol, en fait, mm-hmm. qui est du formaldéhyde, à des dilutions, des concentrations différentes selon l'état du corps et puis... combien de temps on doit le garder, des choses comme ça. Mais ça, OK, maintenant, je ne voulais pas parler de ça tout de suite, mais comment vous le faites, ça? Comment vous transmutez les liquides corporels puis les fluides dans... Quand je veux vulgariser au maximum le principe d'une thanatopraxie, premièrement, les gens pensent souvent que, bon, une thanatopraxie, une autopsie, c'est la même chose. Une autopsie, on s'entend, c'est médico-légal, c'est pour découvrir la cause d'un décès, et c'est beaucoup plus invasif. Une thanatopraxie, un embaumement, c'est on va faire une incision d'environ 4 pouces, si on veut, au niveau de la clavicule. Ouais, oui, c'est ça. Ah oui, toujours à la clavicule. Toujours au niveau de la clavicule pour prélever l'artère et la veine, la carotide de la jugulaire. Mm-hmm. On injecte avec une... Est-ce que vous... Excusez-moi, est-ce que vous le shakez le corps à l'envers pendant un petit bout sur une table qui shake? Pas non. besoin. Il y a un tuyau qui tire et un tuyau qui remplit en même fait, temps? En fait, non, c'est qu'il y a juste un tuyau. On est bien excités. Non, mais pour moi, là, c'est un mystère. C'est quelque chose... Oui. Je peux pas imaginer. Ah oui, c'est ça. Mais il faudrait qu'on y aille ensemble une bonne fois. Vous faites des 5 à 7, non, là, tout ça, non, des non, fois? Non, je veux pas plutôt rarement. Non, plutôt rarement. OK, alors, donc, excuse-moi, tu fais l'incision. Vous faites l'incision. 4 pouces. À peu près 4 pouces. Au collège, on apprend à le faire le plus petit possible, mais c'est certain que, mettons, un côté pratique, puis je dirais de ce qui est le plus répandu, à peu près un 4 pouces. Pourquoi le plus petit possible? Y a-t-il un avantage à ça? Non, il n'y a pas d'avantage nécessairement partout. À ça. C'est tout simplement pour être le moins invasif possible. On prélève la carotide et la veine. Mm-hmm. Donc, on fait une petite incision dans chacune et à l'aide d'une pompe à injection. La fameuse pompe. Qui est à l'extérieur, qui est sur le comptoir, si on veut. À l'intérieur de cette pompe-là, il y a la solution de produit qu'on utilise. OK. Qu'on va avoir fait avec différents produits selon l'état du corps, mm-hmm. combien de temps on doit le garder, ça fait combien de temps qu'il est décédé, quel genre de pathologie il a eu. Mm-hmm. OK, parce qu'il y a plusieurs recettes. Exactement. Ah oui, exactement. C'est pas juste du formol. Non, moi, je non, pensais non. que du formol, c'est du formol. Non, puis il faut que ce soit dilué parce que si c'est trop pur, ça peut brûler. C'est pas bon. Ça peut faire mal à. Mais, ouais, c'est ça. Il est mort. Mais moi, par exemple, je prendrais quoi? Ça serait quoi, ma recette? Est-ce que c'est par rapport à. Rapport à après le décès, l'état du corps au moment où on fait la thanatopraxie. OK. Fait que ça, moi, mettons, je meurs à Lanaudière parce que moi, j'ai un chalet. Là. Si je meurs là, puis que vous venez me chercher, mettons, là, dans une mort comme le fun, là, naturel, le fun cool, là, sur le quai, est-ce que vous, là, une fois que je suis rendu là, vous avez comme... Là, je suis dans un état parfait pour vous, là, pour me... Je veux dire, vous avez... Par exemple, une personne qui est décédée, qui a été mise en milieu réfrigéré, par exemple, dans un hôpital, une personne décède à l'hôpital, par exemple, mise en milieu réfrigéré rapidement. Mmh. Oui, parce qu'en fait, c'est que le corps, après le décès, doit être mis en milieu réfrigéré le plus rapidement possible. Mmh. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est que la peau change de couleur? En fait, si est à température ambiante ou à température trop élevée, c'est le risque d'une putréfaction qui peut commencer rapidement. Ouais, quand même. Donc, ça fait quoi? Ça fait que la peau change de couleur? Oui, la peau change de couleur. Il y a une odeur, là, mais ça, je parle même pas de l'odeur. Là. Non, mais la peau change de couleur. La peau, le teint n'est plus le même. Exactement. Et puis, plus ce processus-là, qui est un processus naturel de putréfaction, avance, plus c'est difficile de pouvoir présenter un défunt. Ah oui. C'est toujours possible, mais c'est de plus en plus difficile. Mais si on veut exposer un corps, mettons, 3 jours, comme ça se faisait, est-ce qu'on change la recette du formol? Est-ce qu'il y a des chances que le corps change de couleur? Non, une fois une bonne thanatopraxie, qu'on a procédé à un embaumement, il n'y a aucun problème. OK, ça peut quand même... C'est quoi la limite de temps? C'est 3 jours? Ah, c'est plus que ça. Ah oui, hein, par expérience, moi, j'ai conservé un corps pendant 3 mois. Avant l'exposition. Ah ouais. Oui. Okay. Un membre de la famille avait eu un contrat pour un travail en Australie. Il fallait qu'il parte. Il était déjà parti depuis quelques jours seulement. Ouais. Puis son père est décédé, puis tout s'est fait par téléphone, puis on n'avait pas le choix. C'est comme, il voulait absolument pouvoir le voir. Le corps était déjà embaumé. Oui. Puis après ça, vous le mettez dans un frigo pendant 3 mois, puis vous le ressortez. Exactement. Puis y a c'est rien sûr qui a que changé. C'est pas on le met dans un frigo, puis on l'oublie là 3 mois. Et il faut voir régulièrement, s'assurer ben oui, que justement la conservation est maximale pour une présentation quand même 3 mois plus tard. Ouais. Mais c'est faisable. Si on pense à des points de vue historiques, le corps de Lénine en Russie, qui est exposé depuis son décès dans les années 10, je crois, là, je ne veux pas me tromper dans l'histoire, mais... Attends, excuse-moi, le corps de Lénine est encore exposé... Il est toujours exposé à son mausolée sur la Place Rouge. OK, d'accord. Il y a une équipe de thanatopracteurs. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est plus un masque de cire. Oui, c'est ça. Mais son corps est là. Oui. Puis sous une cloche de verre, et puis j'ai déjà vu un reportage là-dessus. Ben, c'est comme la tête de Maria Goretti, qui est comme un petit pruneau. Maria Goretti. Ah, non, mais lui, il est beau. Non, mais lui, il est beau, mais Maria Goretti, c'est comme un petit pruneau en dessous d'une cloche de verre. Ouais, ils l'ont laissé sécher dans une cloche de verre. Ils l'ont laissé sécher parce que ça sèche, ça. Effectivement, s'il est mais à... ça sèche ou ça pourrit. Pardon? Ça se déshydrate. Oui, c'est ça. Ça manque de liquide un peu. Exactement. C'est ça, exactement. La première fois que vous avez eu à faire ça, comme dans Six Feet Under, à un moment donné, il y a une scène où le petit Ned qui est enfant arrive là. Dans l'espèce de d'endroit où on enlève le sang puis il est en contact avec le premier mort de sa vie. Il est quand même... C'était-tu Nate ou c'était son frère? C'était Nate ou... C'était Nate, hein? Il me semble que c'était Nate, puis il était parti en courant. Ça a dû vous arriver quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, de voir un défunt, pour moi, c'est normal. Mais je me rappelle la première fois que j'ai, par exemple, procédé à ma première incision pour faire un embaumement. Ça, j'étais plus vieux, par exemple. Là, c'est ça, vous aviez fait votre cours. Oui, j'étais à l'école à ce moment-là. Mais de faire une incision sur un corps, même si... Puis moi, qui avais une expérience, qui avait une approche des défunts différente parce que j'en avais vu toute ma vie, ça fait bizarre. C'est quand même... Tu sais, on coupe un être humain, c'est de la peau. Tu sais, on a tout le temps l'impression, même si on le sait que la personne est décédée, on a tout le temps l'impression de faire mal quand même. Mais c'est comme, mon Dieu, on veut pas y aller. Puis... La plupart des embaumeurs, en tout cas probablement tous, diront que la délicatesse avec un défunt, c'est ce qui est le plus important. Le respect du corps, c'est la première chose qui est importante pour nous qui travaillons dans le domaine. Est-ce que ça changerait la façon dont tu aurais à t'occuper d'un corps de quelqu'un que tu as connu? Est-ce que... J'ai, par exemple, mon grand-père, ma grand-mère, c'est moi qui s'en ai occupé. C'est toi qui t'en es. Ah, oui. Quand l'entreprise chez nous, bon, on a quand même quelques employés, puis moi, je fais... Aujourd'hui, je fais moins de thanatopraxie que j'en faisais. Je vais en faire quand c'est des gens que je connais. Des amis, justement. Puis vous êtes capable d'avoir ce recul-là? En fait, c'est que pour nous, c'est l'hommage qu'on veut rendre à la personne. Parce que moi, étant donné que c'est mon métier, la personne, je l'ai connue, je veux qu'elle soit parfaite dans son cercueil. Donc, je veux le faire moi-même pour qu'elle soit à mon goût, en sachant très bien que... T'sais, qui de mieux que quelqu'un qui a connu la personne pour s'assurer qu'elle soit le plus ressemblante possible? Oui, c'est ça, parce que c'est ça l'idée de faire d'être fidèle à la personne, même exactement. Quand elle était exposée. Puis est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés? Bon, des gens qui meurent dans des accidents épouvantables ou ils sont défigurés? Est-ce que vous. Je ne sais pas, est-ce que vous engagez des spécialistes de reconstruction faciale? C'est vous. C'est tout le temps. C'est nous. Mais des fois, il y a des cas vraiment où ça dépasse vos compétences. Y a-t-il des spécialistes? Y a-t-il des gens qui se surspécialisent dans votre domaine? Il y a des gens qui se surspécialisent, mais moi, je dirais que personnellement, il n'y a pas de cas jusqu'à maintenant qui nous ont empêchés de faire ce qu'on avait à faire. C'est sûr, avec l'avenue de la crémation, souvent les gens vont dire « Ah non, on prend pas de chance, on va faire une crémation ». C'est sûr, quand on parle de des cas comme ça, c'est des accidents, c'est des cas qui sont subis, des décès subis. C'est pas un décès de longue haleine, par exemple, d'une personne qui va être malade longtemps. Le deuil est déjà entamé au moment du décès. Donc, les gens ont une certaine acceptation. Je dis une certaine parce que c'est pas toujours pareil, mais une certaine acceptation au moment où ça arrive. Tandis que quand c'est un décès par accident, ben là, l'acceptation, il n'y en a pas, là. Parce que c'est... on a donné 2 becs le matin, parti pour aller travailler, puis après ça, c'est fini. Donc... Le gap, si je peux dire, entre avoir donné 2 becs le matin puis une urne au salon est immense. De là, dans des cas comme ça, l'importance d'une exposition, parce que justement, ça permet de confronter la réalité. C'est certain qu'au salon, c'est plus difficile à vivre, c'est plus lourd d'émotions avec un cercueil ouvert qu'avec une urne, par exemple. Mais à long terme, c'est ce qui est plus curatif pour le deuil. Ah, c'est fou, hein? Mais vous, est-ce que vous avez peur de la mort? La chose dont j'ai pas peur, c'est que moi, je sais très bien ce qui se passe de l'autre côté. Des portes closes, je veux dire. On parle pas de l'autre côté, là. Ça, l'autre bord du tunnel, ça, personne ne le sait. Mais au niveau je sais ce qui va se passer avec mon corps après mon décès. Ça, ça me fait pas peur. Il y a des gens que c'est ça leur peur, mais j'ai pas peur de la mort. En soi, là, je veux dire, ouais. Ben, je veux dire, pas plus que quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont vraiment que c'est une phobie, je dirais pas ah, ça. Ah oui, il y en a qui ont peur de pas mourir, oui. En fait. Il y en a qui c'est le croque-mort là, qui croquait l'orteil du Maccabée pour savoir s'il est encore vivant. Mais ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un se réveille, là, comme déclaré cliniquement mort trop tôt? Non, habituellement, quand les gens sont rendus chez nous, oui, dans un laboratoire, sûr, hein? Parce qu'à l'hôpital, ils sont mis dans un linceul. Maintenant, depuis plusieurs années, les linceuls, c'est plus en coton, c'est en plastique. Fait que disons que si la personne n'aurait pas été... Mais en réalité, non. Les processus médicaux font qu'un défunt ne peut pas passer au travers le filtre jusqu'au laboratoire d'anatopraxie. Il se réveille à un moment donné où il se met c'est ça, il s'assoit. Il existe toujours plein de légendes urbaines sur notre métier. Mais... Oui, c'est quoi l'affaire l'affaire qui vous choque ou qui te, qui te met hors de toi? Ou Les légendes urbaines, c'est des légendes urbaines et en même temps des fausses croyances. Par exemple, quand on se fait demander, est-ce que c'est l'embaumement, c'est quoi? Est-ce comment pailler? Non, c'est vraiment pas ça. Là. On ne voit pas les jambes des défunts dans les cercueils. Ça, c'est tout simplement une question esthétique, mais il y a des gens qui demandent, coupez-vous les jambes. Non. Mais voyons. Je veux dire, le respect du défunt, ouais. Mais c'est les gens ont des croyances. Et le pourquoi, souvent, c'est que justement, c'est méconnu. C'est un tabou, en quelque part, là, la mort. De moins en moins, après les émissions comme Six Feet Under, tout ça, c'est sûr que ça met au grand jour notre métier, mais ça reste que c'est un tabou de la société. Donc, les gens, quand ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils s'inventent des histoires, puis ils essayent de se trouver des réponses. Des fois, c'est pas nécessairement les bonnes. Non, est-ce qu'il y a des familles qui vont vous dire, supposons-moi, moi je fais, mettons, ma mère meurt aujourd'hui, puis est-ce que je pourrais dire, j'aimerais mieux que ce soit une femme qui On sert, par exemple, une communauté religieuse que eux, c'était pas nécessairement de leur demande, mais quand on leur a dit qu'on avait une thanatopractrice, puis que ce serait elle qui s'occuperait d'eux, ils étaient... Les sœurs étaient contentes. Ils étaient contents de savoir que c'était une femme qui s'occupait d'eux. C'est le genre de demande qu'on peut avoir. Nous, on a des hommes, on a des femmes qui travaillent chez nous. Mais depuis que je suis toute petite, que je pense à ça, je suis obsédée, moi, par la mort. Ben voyons, ma belle Anne, pourquoi tu fais ça? Je sais pas, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait, puis j'y pense encore, puis je me dis, mais... que t'es en train de te faire ta thanato pratiquer et puis que t'es tout nu, puis que t'as toutes tes petites cicatrices de ta vie, tes cicatrices accumulées de l'existence que t'as voulu cacher toute ta vie. Comment tu fais tout à coup? T'as plus de voix, t'es mort. Y a-tu quelqu'un qui peut te défendre puis qui peut te dire, ben là, voyons... Est-ce que, ou c'est une jeune fille qui vient de mourir, est-ce que ça pourrait être une femme qui s'occupe d'elle? Il va la voir tout nue, on veut pas que ce soit... Je sais pas, dans la tête des gens, cette espèce de pudeur qui peut y avoir parfois. Est-ce que ça vous arrive souvent, ça? Bien, le respect, comme je disais tantôt, le respect du corps, c'est la chose la plus importante. C'est primordial. Les laboratoires de thanatopraxie, c'est pas des moulins. Il y a, par exemple, habituellement... Partout, c'est des portes à code. Ça va être, c'est des endroits qui sont à accès restreint. Pourquoi, justement? C'est que les personnes qui sont là, en quelque part, nous, on a un contact avec ces personnes-là, effectivement. Quand on fait une thanatopraxie, les personnes sont déshabillées, sont nues sur la table, mais on place toujours soit une serviette ou quelque chose sur les parties. Pourquoi, justement? Parce que cette personne-là, regarde, elle n'a pas à être comme ça. Oui. Ça, c'est... pas mal partout. J'ai pas vu souvent d'endroits qui faisaient pas ça. Puis justement, c'est ça, c'est des accès restreints. En quelque part, on a la même relation avec une personne, à part le fait que c'est après son décès, que par exemple, dans le domaine de la santé. C'est rassurant. Non, mais c'est vrai, c'est apaisant. Il est fin, hein? Ben, moi, ça m'apaise de vous écouter parler. Non, c'est honnêtement, vrai. Il y a quelque chose de... Puis si... Puis je sais pas, on peut-tu faire des demandes, genre, moi, j'aimerais ça être comme habillé de même, avec une face comme ça. Mettons, là. Si je voulais avoir faire une face de clown, mettons. Est-ce que vous feriez ça? C'est juste une face de crosti. Pouvez-vous me faire en crosti, mettons? Tout je vous le demande. Tout est faisable. Tout est faisable? Tout est faisable. Crosti, c'est comme perruque, toute l'affaire, juste gros nœud papillon, le fun, là, avec des poids, là. Tout est faisable. Tout est faisable. Tout est faisable. Puis, c'est certain que... Avec un sourire? Ben... Ça s'accroche, ça? Oui, avec des agrafes. Moi, ce que je vous dirais, que une de notre signature, si on veut, c'est que chez nous, on essaie de toujours, selon ce qu'on sait de la personne, la photo, tout ça, peut-être juste laisser un léger sourire en coin. Sans, on s'entend, pas un sourire à pleine dent. Parce que ce serait peurant, on se dit, s'il faut que la personne a l'air... Excusez-moi l'expression, mais que la personne a l'air d'être en maudit d'être là. Ben oui, non. La famille arrive, est dans son cercueil avec un air, là, les lèvres en bas. Un air de bœuf. Non, c'est pas le fun. En mettant juste essayer de donner un air apaisé. Oui, oui. Déjà, pour la famille, plus... Non, non. C'est plus pas, je ne peux pas dire plus agréable, mais ça leur fait du bien. Dire, ben oui. Tu sais, a l'air paisible. Mm-hmm. Puis est-ce qu'on a le droit de demander un maquilleur? Non, mais c'est parce que moi, j'ai demandé... parce qu'une maquilleuse qui me maquille régulièrement, puis je l'adore. Puis je lui avais demandé à la blague, le jour où je vais mourir, est-ce que tu viendrais me maquiller? Elle est très, très le fun. C'est Suzanne. Suzanne Poisson. Suzanne elle Poisson. Est formidable. Oui, moi, c'est ma maquilleuse contacté, dans la vie. Là, Elle est vraiment formidable. Elle fait des teints incroyables. Oui, puis elle est très bonne avec la HD, si jamais Anne a des funérailles aussi, nationales. Je sais pas, ses pinceaux, les produits. Moi, elle connaît ma peau par cœur, puis j'aimerais ça que ce soit elle qui me maquille. Est-ce que je peux faire écrire ça dans mon testament, moi? Oui. Oui. Ça arrive quand même souvent que ça va être, dans le cas des dames, ça va être la coiffeuse de cette dame-là qui va venir. Ah oui, ben oui. On le voit de temps en temps. Puis les maquilleurs, ça se peut-tu aussi qu'on fasse une demande spéciale, même si... Oui, c'est certain. Un maquilleur ou une maquilleuse professionnelle, par exemple, de la télévision, qui viendrait dans un laboratoire, serait assistée par un thanatopracteur. Pourquoi? Mm-hmm. C'est que, bon, la peau a des spécificités qui c'est changent quoi, un peu. C'est quoi, les spécificités? Bien, le côté hydratation, le maquillage, on le met pas pour l'enlever sec, le soir. Sec. Il va être là jusqu'au lendemain ou le surlendemain. Il faut s'assurer de ne pas déshydrater la peau. Donc, ça va être des détails comme là. Ça. C'est là pour l'éternité. C'est ça. Il n'y a pas un petit démaquillage avant de... Tu as un bon nettoyage de peau avant de... Mais écoute, c'est fascinant tout ça. Tu es dans la Naudière, donc moi, j'ai un chalet à Jersey, donc je vais juste comme m'organiser vraiment bien pour que je sois relayé directement chez toi. J'imagine que... Mais tu me passeras sa carte pour m'arranger pour mourir dans ce coin-là aussi. Ben, si ça te tente, ben, je veux dire... Parce qu'on serait à côté. Ben, on serait à côté, pas loin. Déjà, si vous nous connaissez, tu sais, vous savez d'avance que moi, je veux Suzanne Poisson pour me maquiller. Ouais, puis moi, j'ai une face de clown. Non. Merci beaucoup. T'as pas une face de clown. Non, je veux vraiment une face de clown. Ah, je veux vraiment un crusty. Oui. Tu ne demandes pas une face de crusty. Ah non, puis je vais être enterré avec des licornes, puis... Mais voyons. Oui, je veux devenir une grosse piñata. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval, sur Ici Radio-Canada Première. Le jour commence à baisser dans les ruelles de Montréal. Marc a préparé une surprise pour Anne. Il sort de son sac en cuir 2 livres. Parlant de sexe et de poésie, là, moi, j'ai entendu, pour vrai... Qu'est-ce que t'as entendu? Qu'il y a quelque chose que... Je pleure de que t'adores et que t'as jamais fait. Je pense pas que t'as fait. Que j'ai jamais fait, que j'adore. J'ai une petite crainte. Non. C'est un texte que t'aimes beaucoup. Que j'aime beaucoup? Que j'ai envie de lire avec toi parce qu'on m'a dit que tu adores ça, cette scène-là. Je vais pleurer. C'est Alfred de Musset. Oui. On badine pas avec l'amour. Ouais. Puis, je sais pas, j'ai une copie. C'est la pièce de ma vie. Je sais pas si t'as envie jusqu'à le fun. Est-ce que tu l'aimes, toi, Musset? Moi, j'aime Musset. C'est, je pense que ça a été longtemps, et ça l'est peut-être encore, mon auteur de théâtre préféré. C'est vrai? J'ai donné la réplique à Vincent Gratton pour ses auditions au conservatoire, mon ami Vincent. On faisait Fantasio de Musset. C'est drôle, parce que Vincent, c'est lui qui m'a présenté quand j'ai passé mes auditions au conservatoire. Ben, il était en première année. Ben, voyons puis c'est donc. Lui qui m'a présenté. C'est lui qui t'a présenté. C'était ton sponsor, ton parrain. Tu sais, on a toujours un parrain, une marraine quand on se présente dans les écoles. Puis mon parrain, c'était Vincent. Oh! Il m'avait présenté. Mais tu sais, ça te tente-tu qu'on en fasse un bout, juste pour le fun? C'est pas possible. On se fait ça, là, ben tu sais, moi je l'ai pas... Moi, je l'ai relu hier, dans le noir. Ça fait longtemps que je l'ai pas relu, mais je l'ai lu. Hey, je l'ai lu souvent, mon ben, Dieu. Oui, je l'ai lu dans mon salon, j'ai tellement rêvé de jouer ça. Ça te tente-tu, ça? Ah oui. Juste pour le fun. Connaissez-vous comme un ça? Homme qui n'est aimé qu'une ouais, femme? Ouais. Oh, ça oui. Ça te dit-tu? Ben oui. Hey! Oh, puis on peut faire ça en prenant du vin, c'est-tu le bonheur? Calling, oui, on est dans mes slacks ici. On est slack ici. Il y a des chips, en veux-tu dans café? Non, oh, non, non, non, non, non. Ah oh, non, non, non, non, pas avant Noël. On va faire du thé, ça. On va en prendre une autre tout de suite, ça va être réglé. Ils sont bonnes, hein? Ils sont vraiment bonnes. Un peu grasses. Un petit peu grasses. J'ai un nez qui coule, j'arrête pas. Tu m'as fait pleurer tantôt non, de mais... rire. Avec la quoi? Non, mais... OK. Mon frère de Michel. Ben, j'ai une part de jambon. Le plus beau texte de la langue française. C'est épouvantable. Non, non, mais... On le massacrera pas. Voyons. On s'en fait un petit peu. On s'en puis fait quand un petit peu. T'es tanné, t'arrêtes. Ben, puis oui, on prendra la fin. Ben, puis, oui, on fait ça, ce qu'on veut, continuer. Là. Hein? Allez, regarde. OK. Lève la tête, perdicant. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer... mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne soyez pas perdicant. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi, qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse, prends garde à toi. Pourquoi ? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous, vous qui parlez ? Vous voilà courbée près de moi, avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses, et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé. Qu'est-ce donc le monde ? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'une autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait « oui, j'y étais », puis qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour, pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort ? Non, ce n'est même pas une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous. Et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation. Mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir le boudoir. Et il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau. Et quand le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, perdicant, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Oh, pauvre enfant, je te laisse dire et j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûre que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne ? Qu'est-ce que vous dites ? J'ai mal entendu. Es-tu sûre que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait non ? Je le crois. Es-tu sûre que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elle pleure et elle souffre, celui qu'elle maudit en priant Dieu, es-tu sûre qu'en le voyant, elle ne briserait pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris ? Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles ? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin ? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme ? Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas ? Adieu, Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » C'est ça, c'est beau. C'est-tu assez magnifique? Ça n'a pas de sens. Caroline, que c'est beau. Et moi, quand j'étais jeune, puis je disais ça, j'étais tellement dans le discours de Camille. C'est tellement l'absolu de... Ben oui, c'est comme... C'était tellement... Puis je me disais, oui, les deux ont raison. Ouais. Mais je comprends Perdigan. Puis maintenant que j'ai vieilli, je suis tellement plus Perdigan. Je comprends tout ce qu'il dit. Mais je me souviens de ce qu'elle disait. Je me souviens de ce que je pensais à ce moment-là. C'est drôle comment on change, hein? On change de discours. C'est étonnant parce que Perdigan est un petit peu plus vieux qu'elle. Il n'est pas beaucoup plus vieux. Mais c'est étonnant comment les gars comprennent des choses que les filles ne comprennent pas. Et vice-versa. Ben oui, vice-versa. Ça résume-tu, un gars et une fille, ça? Oui, absolument. C'est ça. Puis toute la complexité de la pensée, tu sais. Les bonobos... Non, mais les bonobos n'ont pas ça. Non, ils fourrent à longueur de journée. Ils fourrent sans arrêt, puis ils se posent pas la question. Non, puis j'avais lu un livre que j'ai... Sur les bonobos? Oui, je l'ai... Voyons donc! Oui. Ça s'appelle... L'as-tu lu ça, Des bonobos et des hommes? Ben non, c'est vraiment... Des bonobos et des hommes. Oui, il y a des souris et des hommes, c'est une autre histoire. Mais c'est comme un essai sur les bonobos? C'est comme un... Voyage au cœur du Congo, voyons donc. Non, c'est vraiment c'est bon. Ça, puis il y a juste deux, trois petits passages qui vont peut-être te donner envie de le lire, mais qui m'ont vraiment comme... Il y a des photos. Il y a même... Ça nous change de Lucet. Oui, il y a même une photo de... Attends, je vais mettre mes lunettes. Parce qu'il y en a deux qui se regardent en faisant l'amour. Ah, mon Dieu, je vois des... Oui. Ils sont face à face, tu regardes. Ils sont face à face, puis elle a l'air vraiment ouverte. Hein? Non, complètement abandonnée. Elle est appuyée sur ses deux points, puis elle dit, mon Dieu, rentre en moi. Ben oui, c'est ça. Puis je dis, tu le prends de même, puis ça fait mal, ça fait du bien. Oh mon Dieu, mais... quand ça fait mal, ça fait du bien. C'est sûr. Puis c'est vrai que c'est... Puis lui, il a observé des trucs, tu vois, il disait ici, sur des... on voyait les bonobos dans une série de poses familières, allongés sur le dos, jambes croisées, ou en train de s'accoupler dans la position du missionnaire. Les muscles des bas tendus, le mâle souriant béatement. Ou bien une mère debout, le cou étiré, regardant loin, une tige de canne à sucre à la main. C'est des romantiques, en plus, c'est vraiment des hippies. C'est les hippies des chimpanzés, c'est vraiment les hippies des bois. Est-ce que les femmes sont aussi vigoureuses que les hommes? Ah oui, mais c'est les femmes, c'est une société, matriarcale. Non, mais est-ce qu'elles peuvent pogner un mâle comme ça? Il y a tout un protocole en plus dans la. Mon Dieu, je suis vulgaire. Non, on est entre nous. À leur arrivée dans une nouvelle communauté, les femelles adolescentes. Bonobo. Adolescente à quel âge? C'est comme avant la puberté, là. Mmh. Ou au début, là, quand les petits poils commencent. Là. Une nouvelle communauté. Le les femelles. Les, quand le, c'est ça. Le pubis, star, la fougère le, du pubis. Oui, le pubis start. Comment on appelle en anglais, là? Yeah. Yeah. Les femelles adolescentes choisissent une femelle adulte du groupe et se tiennent non loin d'elle, l'observant, restant attentive à ses besoins. Si la femelle plus vieille semble bien accueillir ses attentions à la petite adolescente s'approche pour l'épouiller. S'asseoir près d'elle. L'épouiller, enlever les poux. Enlever les poux, là, tu sais, comme on fait pendant des fois. Pendant qu'elle est en train ouais, de... Oui, quand on fait dans nos pauses de tournage. Ouais. S'asseoir près d'elle ou avoir une relation sexuelle. Avec elle? Avec elle. Ah oui, une relation lesbienne? Oui, oui, oui. Entre la mère et sa petite adolescente. Bien, c'est-à-dire... C'est pas nécessairement sa fille, non, hein? C'est pas nécessairement sa fille. Ça peut être la fille de la voisine. Oui, ça peut être quelqu'un. C'est quand même une adolescente. C'est quand même une petite ado. Bien que les scientifiques appellent cette dernière activité frottement génito-génital ou frottement GG. Ah oui, c'est ça. Ou le GG, là, en anglais. Du zignage, là. C'est ça. Du zignage de sexe. Il y a les deux grands spécialistes, Dale Peterson et Richard Wrangham, qui jugent que ce terme ne rend pas compte de l'abandon et de l'excitation exprimée par deux femelles qui s'y adonnent. Ils suggèrent d'utiliser plutôt l'expression bougandu, hoka hoka. La plus vieille des deux femelles se penche en arrière et ouvre les jambes, et l'adolescente grimpe sur elle. Puis le mâle, il est parti, là. Il est pas là, là. Non, il est pas là. Là, il est pas là, là. Mais j'imagine qu'il va se sentir titillé, lui, là, deux femmes qui s'embrassent. Oui, parce qu'ils ont l'odeur, eux autres, ils le sentent, là. Même s'il est à l'autre bout du Congo. Ah oui, puis là, c'est deux femmes qui se frottent, fait que... Oh, oui, puis là, il peut revenir, puis là, ils font l'amour, mais ils se prennent... Ils se prennent... Oui, non, c'est le fun. Toi, t'aimes ça aussi, hein, des femmes qui s'embrassent? Les bonobos vivent dans une société matriarcale. Les femelles forment des alliances et le rang des mâles est déterminé par celui de leur mère. Quand les deux groupes se rencontrent, les mâles hurlent, mais restent à l'écart. Tu vois, il était parti. Oui. Tandis que les femelles vont à la rencontre des membres de l'autre groupe et se livrent à ce qui peut prendre des airs d'orgie. Ben voyons donc. Ouais. Hey, les Romains n'ont rien inventé. Non, lignée grecque. Hein. Puis les enfants appartiennent à tout le monde chez les bonobos. Ah oui! Oui, pour les... Il y a pas de... Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça enlève une petite pression, là. Oui, donc vraiment, tous les membres du groupe s'occupent des petits parce que tout le monde appartient à tout le monde. On les a surnommés les hippies de la forêt et les grands singes de la rive gauche. En raison du territoire qu'ils occupent par rapport au fleuve Congo, parce qu'ils sont à gauche, surtout du fleuve. Okay. Contrairement aux autres grands singes, ils ont des rapports sexuels dans une multitude de positions et il leur arrive souvent de s'accoupler face à face en se regardant dans les yeux. Oh, ça, c'est romantique. Ça, c'est le fun. Ils apprécient les relations bucco-génitales et les baisers avec la langue. Ils font l'amour pour le plaisir, pour chercher et prodiguer du réconfort, pour se sentir proche l'un de l'autre. Du réconfort, oui. Ouais, ça, c'est bien dit. Bien, c'est comme... C'est ça fait ça aussi. Bien, on l'oublie, mais ça fait ça. Bien, on l'oublie pas. On n'a jamais oublié ça. Les relations sexuelles chez les bonobos sont l'équivalent d'une accolade, d'une poignée de main, d'un massage, voire d'un martini à l'heure du lunch. Bien, voilà. C'est dans le livre. Hey, j'ai hâte de lire ça. Ah non, ça, c'est bien, bien le fun. Un martini en fait, à l'heure du lunch. Oui, mais c'est comme lunch, ça que tu vois ça. Parlons-en du lunch. Là, ben, là, c'est pas un lunch ordinaire. On peut le voir. Non, on parle de. Là, voyons. Non, c'est ça. Oh mon Dieu. Non, je pleure encore. Ouais. Moi, je veux boire. Ouais, veux-tu boire? Non, oui. Buvons. Joseph, le voisin d'en bas, est venu rejoindre Anne et Marc. Il a amené avec lui son ami bassiste et anglophone. On peut-tu le faire? Je vais essayer de le faire un octave plus haut, juste pour voir ce que ça donnerait avec une voix haute perchée. Je sais que tôt ou tard, tu voudras bien sortir à se faire un camarade avec moi. C'est la même note, mais plus haut. Je serai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre. Wow! C'est beaucoup, ça. Non, mais moi, je vois des chipmunks. J'ai vu Zootopia hier. C'est de même. Tu sais, les petites voix de... ça me fait mourir de rire. Fast forward. Ah, j'adore moi aussi, j'aime ça. J'adore ça. Comme Blanche-Neige aussi. Oui, comme Blanche-Neige, je faisais ça. Comme ça, puis c'est des petits écureuils là, ben qui chiaient partout. Ah, ça, je les haïs dessus. Oh, c'est moi, tout est chaud. T'es à cabine à plomb. Moi, je t'ai écœuré. Je peux pas te dire comment se trouve ma cour en ce moment. Ils sortent de leur terrier, puis ça chie. Ah. Je peux te le dire, ça chie chez nous. On va la reprendre. Joseph, vraiment, là, c'est la première fois qu'on t'entend. Là. Ouais. Hein? T'es vraiment un gars intéressant. Puis ton ami en anglais, là, Kevin? Ouais. Kevin. You're Kevin. I'm doing very well. Yeah, yeah. Hey. So you're the bass player. I'm the bass player, yeah. They couldn't find, I guess, anybody that could speak that could play bass. Speak so fast. How many strings do you use? Strings. Ça dépend sur l'instrument, mais là, sur ma contrebasse, j'en ai sept. J'ai sept sur la contrebasse. Seven strings, my God. Yeah. So I think we're gonna get it now. Thank you for making me feel welcome. Like a woman. Oh yeah. You make me feel. Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je dirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Mais si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Solo, come on! À cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, Bonobo Power. Hey, je pense que je me suis trompée dans les paroles. Pense pas, moi. Avant de se dire au revoir, Marc et Anne ont tout juste le temps de... T'aimes-tu ça, toi, des sous de cul? Des sous de cul, j'en ai jamais fait. Hein? Non. Oh, mon Dieu, seulement le fun des sous de cul! Hey, on a six mots croisés à faire. Ah! Non, non. C'est le fun. OK. Tu fais-tu des mots croisés? J'adore les mots croisés. OK. Quatre lettres. Rassasié. Repu. Bon. Ben oui. Facile. Repu. OK, ça, c'est premier horizontal. Deux. Mais peut-être que ça sera pas bon. Il faut que tu regardes aussi horizontal moi, si ça commence par un R. J'assume. Moi, j'assume. Ah, oh, moi, j'assume rien. Ah, moi, je l'assume. Moi, il faut je toujours l'écris. Que je vérifie. Ah, parce que là, ben, des fois, quand j'ai un doute, un vrai doute, là, parce mais que toi, là, repu horizontal, style, mais d'un style... coup, que ça commence pas, ton mot à la verticale commence ouais, pas mais par regarde, un R. Le 3, ici, trois lettres, style musical, ça, c'est pop. Ah, oh, pop. Ben oui. Fait que, ah, on ça, est, c'est on bon. Est vraiment. Mais check donc le 1, c'est bramé. Bramé. Ré. Oh, ré. Ré. Oh, oui, ben oui, toujours la même affaire. Hein. Il revient souvent, celui-là. Il revient toujours. Bramé. Ré. Ré. Ré. Ça dépend. Comme un réer. Comme un réer, sauf que là, il y a une lettre de trop. Ah bon? Ah, mon Dieu, c'est pas le bon. Bramé. Bramé, ça peut pas être ré. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ré. Non, mais mets-le en suspens. Ben, il est en suspens. On va continuer. Non, mais continuons. Ouais, moi, le, je m'arrête le deux pas. Horizontal. Le deux commencement. Début. Et. Ben non, mais là, c'est plus ré. Fait que non, mais ça serait. Bon. Va, ça je peux-tu aller au 3? Ah, vas-y donc. Je vais m'aider avec le 4 ici. Ah oui, le 4 vers canal excréteur. Urètre. Urètre. Mais bon, voilà. Alors voilà. On l'a presque fini, on en a 3. et le 7 vertical, c'est moi, c'est l'ego. Ah, ego. Ben oui. J'ai. C'est le plus beau jour c'est de bon. Ma vie, pas pour vrai, là. Le 8, c'est quoi? Hey, je vais annuler mes vacances. Ça, c'est difficile, un E puis un R. Un ça 8, veut rien c'est sucé. Sucé? Ah, tété. Tété. Ça prend un E, ça prend un R. Tété, ici. Écris-le. J'aime mieux sucé. Oui, mais... Je peux pas écrire sucé. Ben non, mais c'est parce que c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Ils te disent... Oui, mais si j'aime mieux ce mot-là que tété. Mais tu peux pas répéter ce qu'ils ont écrit dans le mot croisé. Ils te disent... Non, je synonyme comprends. Du mot sucé, tu ne vas pas écrire sucé. Mais ça me tente, si ça me tentait d'écrire sucé. Mais tu ne pourrais pas, ça ne marchera pas. Parce qu'ils te le disent là. S'ils avaient dit tété, là, tu pourrais écrire sucé. Mais comme ils ont écrit sucé, tu vas écrire tété. Oui, mais tété, si. T-E-T-E-R. Ouais, non, je sais. Hey, on peut s'en finir de ce mot croisé-là. Ben, ce qu'on veut, que... c'est le faire. Ça, on peut-tu hein? Comme se le garder au cas que ça marche. Ça ne peut pas sucé. Être au cas, ça ne pourra jamais être sucé parce que tu as un E à la deuxième lettre. Ça ne peut pas être sucé. Non, mais ça pourrait être amorçage. Amorçage. Bon, fais donc. Ben oui, comme quoi que tu... Hey, on l'a déjà fait, ce mot. On est déjà au Scrabble, nous deux. Ah oui? Ben oui, ben, regarde. Tu vois? Moi, c'est une zone où... Bon, je sais pas que je suis inconfortable à parler de ça, là. Mais j'aimerais que... Quoi que tu, quoi que tu, quoi que tu. On va mettre ça partout. Ah, puis, ben, regarde, donc, on en partout, finisse, ben, regarde. Oui. Quoi que tu, puis non, on l'a gagné, c'est youpi. Ben, c'est on on gagne-tu quelque chose avec ça? Non, on gagne rien. Bon, Monsieur Journal de Montréal. Ouais. Toi, tu vas se coucher ici ou tu rentres chez vous? Ah, je vais rentrer chez moi. Veux-tu venir à la maison? Ben, je pourrais peut-être faire ça. Puis j'ai du vin, j'ai toutes sortes de choses. Hey, ça mais j'en comme... ai plein mon frigo parce que je bois jamais. Puis ton frigo est réparé? Il est réparé. Okay. Il fait plus de buzz. Ouais. Je suis tellement contente. Ah 500$. 500$, c'est 500 ça. Piastres. C'est le petit bonhomme avec le petit mes moteur. Crèmes. On revient toujours à ces crèmes-là et je les attends toujours. J'espère qu'ils vont venir demain après-midi. Ben oui. C'était le plus beau jour de ma vie. Avec Anne Dorval et Marc Labrèche. À la guitare, Joseph Marchand. À la basse, Morgan Moore. À la recherche, Thomas Leblanc. À la technique, Guy Charbonneau. Au montage, Patrick Knoop. Adjointe à la réalisation, Camille Parent. Un merci particulier à Sylvie Julien. Cette émission est signée Francis Legault.